L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. La Cour des artistes revient cette année jusqu'au 26 août à Liverdun, place d'Armes. Stella Michel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes de l'accueil touristique du bassin de Pompey, qui se trouve donc à Liverdun et qui organise ce rendez-vous de la Cour des artistes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, cette année encore, nous mettons en place cette manifestation. Oui, tout à fait. Alors, ça se passe tous les dimanches après-midi, de 14h à 18h, place d'Armes. Alors, pour présenter en quelques mots la Cour des artistes, c'est quoi? Eh bien, la Cour des artistes, en fait, c'est une manifestation donc, qui se passe, comme le nom l'indique, dans la cour de l'accueil touristique du bassin de Pompey. Et nous accueillons des artisans, nous accueillons donc des artistes avec des grands A ou petits A, à qui nous donnons un peu la chance de pouvoir rencontrer nos visiteurs. On souhaite qu'il y ait une interaction et on leur demande surtout, avant tout, de présenter ce qu'ils aiment faire, de le réaliser devant nos visiteurs. Et voilà, en fait, c'est le but premier, hein. Alors, d'où viennent-ils ces artistes? Ils sont de la région de Liverdun? Ils viennent d'un peu plus loin? Alors, ils viennent d'un peu plus loin. Il y en a de Liverdun, bien sûr. Il y en a du bassin de Pompey. Et puis, nous allons également un petit peu plus loin. Nous avons des Mosellans aussi qui viennent. On essaie, bien sûr, de chercher les artistes qui sont proches de nous. Mais en fait, c'est de la région également, hein. On a des personnes qui viennent un petit peu du Lunévillois. Donc, de Moselle, comme je vous le disais, on avait un artiste qui travaillait le métal la semaine dernière, par exemple. Voilà. Alors, lors de ces après-midi, donc le dimanche après-midi, place d'Armes, les visiteurs peuvent voir ou aussi participer? Tous les dimanches après-midi, là, sur la saison, donc, qui s'échelonne effectivement du 8 juillet au 26 août, nous avons 10 à 12 artistes qui sont là, donc, qui réalisent ce qu'ils aiment faire et qui donnent des explications. Et nous avons également, en parallèle, 3 ateliers, alors, des ateliers de pratiques artistiques, bien sûr, qui sont offerts à nos visiteurs. Alors, quel type de pratiques proposez-vous? Alors, tous les dimanches, nous avons l'atelier taille de pierre avec un artisan local qui est toute une équipe. Il a toute une équipe, bien sûr, parce qu'il faut animer cela tous les dimanches. Et puis, différemment, nous avons des associations ou d'autres artistes qui viennent également faire de la peinture, de l'initiation à la peinture, de l'initiation au vitrail également. Et puis, alors, nous avons aussi quelqu'un qui vient et qui fait aussi du papier marbré. C'est une technique un petit peu particulière qui plaît beaucoup. Nous avons des céramistes, nous allons avoir une potière également, une céramiste qui va venir de Bouxières-aux-Dames. Donc nous avons vraiment tout un champ à développer et ça plaît énormément. Pour petits et grands, je tiens à le préciser. Justement, voilà. Oui, voilà, les enfants sont les bienvenus pour pouvoir mettre un peu la main à la pâte. Ah, tout à fait. Ah oui, justement, on compte aussi pour sur leur présence, parce qu'en fait, on les sent tellement bien lorsque ils essaient de peindre, qu'ils réalisent même la taille de pierre pour les petits, des créations, alors à base de produits de recyclage également. Il y en a pour tous les goûts. Et tous les dimanches, 3 ateliers sont proposés et gratuits. J'insiste bien, parce que pour toutes les familles, c'est intéressant. Exactement, donc c'est gratuit. Par contre, est-ce qu'il faut s'inscrire pour ces ateliers? Du tout, ce n'est pas nécessaire. Pour ces ateliers cours des artistes, non. Après, on pourra voir ensemble si vous le souhaitez pour les visites guidées, où là, il faudra s'inscrire. Mais pour la cour des artistes, ce n'est pas nécessaire. Nos artistes réalisent en temps et en heure, au moment où le public est là et s'organise parfaitement. Donc, je vous laisse redonner. Où est-ce qu'on vous trouve précisément à Liverdun? Alors, à Liverdun, nous nous situons donc la partie médiévale de Liverdun. Donc, l'adresse exacte, c'est 1 place d'Armes. Et pour mieux préciser, c'est en face de l'église. Un numéro de téléphone pour vous contacter éventuellement? Bien sûr, c'est le 03 83 24 40 40 à l'accueil touristique. Nous avons aussi un site internet également, Tourisme Bassin Pompey, qui donne une mine d'informations alors sur les manifestations, mais aussi sur bien d'autres points, l'hébergement, les visites guidées, la restauration, nos producteurs locaux. Enfin, nous invitons vraiment le public à venir parce qu'en plus, une fois qu'ils viennent ici à cette manifestation, nous, on peut leur expliquer tout ce qu'on a sur nos territoires. Et je peux vous expliquer, vous dire, vous confirmer que les yeux de nos visiteurs, quand ils voient déjà l'endroit où l'on se trouve, et en plus les possibilités de loisirs qu'on a sur nos territoires, de découvertes, de patrimoine culturel, historique, ils sont vraiment enthousiasmés. Et on a, parce qu'on a la chance d'avoir un camping, donc on a même des personnes étrangères, notamment de Hollande, qui viennent régulièrement et qui reviennent parce que ils ont tellement de choses à découvrir en Lorraine, bien sûr, mais chez nous également, sur tout ce territoire. Alors rendez-vous à Liverdun le dimanche après-midi de 14h à 18h, notamment pour la cour des artistes et pour découvrir la multitude d'activités proposées. proposée sur la commune et sur le bassin de Pompey. Stella Michel, merci beaucoup. Merci à vous, c'est très très gentil. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.